Immigration et lucidité. Voilà la thématique dont il sera question aujourd'hui dans le cadre de cet enregistrement audio qui est fait au mois de juillet de l'année 2024. Avant de commencer l'enregistrement proprement dit, je veux mentionner aux gens que s'il y en a parmi vous qui appréciez les enregistrements audio que je fais au fil des ans, j'en ai quand même rendu plusieurs centaines de disponibles au public. Vous en avez pour de nombreuses heures. Eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et aussi PayPal. Donc, vous avez les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Naturellement, en vivant en Occident, c'est-à-dire au Québec, qui est une province du Canada, je ne suis pas épargné par le phénomène de l'inflation. Donc, le coût de la vie, que ce soit ma nourriture, le loyer qui vient d'être augmenté le 1er juillet où j'habite. Donc, je suis confronté à une croissance des dépenses. Et c'est sûr que s'il y en a qui appréciaient donc mes activités de diffusion web, vous aimez entre autres la vibration que je véhicule à travers mes enregistrements. Donc, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir de l'argent en guise d'appréciation. Donc, vous allez avoir les informations, là, comme je mentionnais, là, en lien avec ça, là, que vous pouvez avoir en fait en bas de l'enregistrement présent. Donc, ceci dit, je vais commencer à aborder le sujet de la capsule d'aujourd'hui à proprement dit. Donc, lucidité immigration, c'est le sujet qui va être traité. C'est un sujet qui est délicat parce qu'au moment où est faite cette capsule audio, le phénomène de l'immigration est souvent abordé dans les médias en Occident. Donc, c'est un enjeu de société, que ce soit la société québécoise, la société française, les gens en Allemagne aussi, différents pays en Occident qui, au fil du temps, au fil des ans, au fil des décennies, sont confrontés à un afflux massif d'immigrants. Donc, l'enregistrement d'aujourd'hui pourrait tout simplement se résumer à une invitation à être lucide par rapport au phénomène de l'immigration et de voir clair par rapport aux forces qui sont derrière le phénomène. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'activité astrale cherche à amener les gens dans un certain sens de certaines personnes de pays occidentaux à jouer au sauveur. Sauf que c'est bien beau avoir un grand cœur, mais il faut aussi être lucide par rapport aux limites des ressources qu'on a. Dans le sens que si on prend la situation du Québec, au cours des derniers mois, au moment où on fait cette capsule, il y a une grande quantité de gens qui sont issus de l'immigration, qui sont arrivés au Québec. Sauf qu'on est confronté à une problématique qui, lors de cette année 2024, est encore grandissante de pénurie de logements, de maisons. Donc, beaucoup de gens qui arrivent d'immigration, mais il n'y a pas en proportion une quantité adéquate de maisons ou de logements qui sont construits et rendus à disposition du public, ce qui fait en sorte qu'il y a une pénurie qui est là. Il y a eu même le premier ministre du Québec, François Legault, qui a dit que la pénurie de logements est attribuable à 100% aux immigrants. C'est très lourd de responsabilité, de conséquence, ce qu'il a dit, là. Je ne sais pas si les gens réalisent l'ampleur du message qu'il envoie aux gens de la population. Quelqu'un aurait pu dire, bon, c'est attribuable à 80%, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs politiques. Non, 100%. En tout cas, c'est cette personne-là, les propos, naturellement, peuvent avoir un impact qui vont avoir des répercussions. Ça peut nourrir des gens qui vont avoir des propos racistes, xénophobes, des propos hostiles à l'immigration. Donc, il y a des répercussions par rapport à ça. Bien entendu, l'objet de l'enregistrement, c'est de faire preuve de lucidité par rapport à tous les phénomènes, dont celui de l'immigration. Donc, il y a des gens, là, des grandes âmes spirituelles ici au Québec puis au Canada, pendant des années, ont voulu sauver la veuve et l'orphelin, donc accueillir des réfugiés politiques, des gens au grand cœur, aux grandes spiritualités, qui veulent bien faire. Sauf qu'il y a des limites, dans le sens qu'il y a une capacité d'absorption par rapport à la quantité de logements disponibles. Même chose pour le domaine scolaire. Il y a des problèmes au niveau de la gestion des classes parce que là, il y a plein de personnes qui ont besoin de services de francisation. Même chose pour accès aux services de garde. Déjà qu'il y a une pénurie de services de garde au Québec pour des enfants, il en manque près de 30 000. Donc, on fait venir des gens de d'autres pays. Même chose pour les ressources en matière de santé, dans le sens que le système de santé québécois est défaillant. Les gens ont de la difficulté à avoir un médecin de famille, puis ils peuvent avoir leur nom sur une liste d'attente pendant plusieurs années. Ensuite, avoir accès à des soins spécialisés, comme des traitements, de rencontrer un spécialiste comme, par exemple, un urologue, un dermatologue, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Donc, les services sont défaillants. Donc, c'est quelque chose qui est problématique. Donc, la situation du Québec en lien avec l'immigration est problématique. D'un côté, si on invite des gens à venir ici puis on se présente comme étant une terre d'asile, une terre d'accueil, ben il ne faut pas que les gens se ramassent ici puis en bon québécois, ça soit l'asile, c'est-à-dire ça soit de la folie. Ça n'a pas d'allure. Donc, je fais un peu un jeu de mots ici, mais d'un côté, on invite des gens à venir ici en grande quantité, mais si on ne leur offre pas les ressources adéquates, ça crée des problématiques. Dans le sens que, au fil des mois, j'ai eu la chance de discuter avec des gens issus de l'immigration. Ils ont de la difficulté à avoir accès, par exemple, à des services de garde pour leurs enfants. Bon, mais si ces gens-là ne sont pas en mesure d'avoir un service de garde, puis ne sont pas en mesure de travailler, pas parce qu'ils ne veulent pas ne pas travailler, mais parce qu'ils ne sont pas en mesure. Ça peut nourrir des préjugés. Donc, quelqu'un qui voit quelqu'un ici de l'immigration, la personne ne travaille pas, ben la personne peut nourrir le préjugé que cette personne-là est paresseuse, puis qu'elle vient au Québec pour, dans le fond, être entretenue par des programmes sociaux tout en ne contribuant pas à la société d'accueil. Donc, il y a les failles du système qui peuvent servir l'astral. Donc, il y a des gens qui vont avoir de la haine d'êtres humains pour des êtres humains sous l'influence astrale et sous l'influence, en fait, de politiques sociales défaillantes. Donc, la lucidité par rapport à l'immigration, c'est de réaliser qu'à quelque part, il y a un manque d'intelligence dans la gestion de l'immigration, que ce soit au Québec, que ce soit également dans d'autres pays, la France. Puis, le manque de gestion peut amener de la souffrance vécue par les nouveaux arrivants ou les gens qui sont déjà là. Et dans tous les cas, ces gens-là ont l'impression de vivre une injustice. Prenons par exemple quelqu'un qui arrive de l'extérieur, ne se fait pas reconnaître les diplômes pour travailler ici. Ou la personne qui vit au Québec depuis plusieurs années, dans le fond, a de la difficulté à avoir accès à un logement. Puis là, on voit qu'il y a des gens issus de l'immigration qui ont des logements, alors qu'elle a de la difficulté à avoir accès à trouver un logement, ou la personne se ramasse même en situation d'itinérance parce qu'elle n'a pas accès à un logement. Donc, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de l'envie. Donc, c'est très malsain. Mais là, au niveau que je fais mon propos, je suis beaucoup dans la critique sociale, mais je vais l'amener, parce que c'est sûr que mon but de l'enregistrement, j'aurai aussi la vibration pour amener ça un peu plus loin en termes de propos, pour toucher à des principes vibratoires en relation avec une gestion intelligente de l'immigration. Tant que l'individu n'a pas la capacité de dire non et de s'affirmer, puis il veut faire plaisir à tout le monde, veut pas déplaire, veut pas décevoir, il vibre à de la spiritualité, il vibre au sentiment de la culpabilité s'il dit un non à quelqu'un, ben c'est là qu'il se fait exploiter. C'est là que son niveau de vie se dégrade. C'est là que, par la suite, il se fait récupérer par l'astral. Donc, et c'est sûr que les gens du gouvernement doivent réaliser les limites de l'immigration massive. Donc, en tant qu'individu, en passant, je ne suis pas opposé à l'immigration. Je discute au fil du temps sur le web avec des gens de différents pays, de différentes ethnies, différentes cultures, en Europe, entre autres. Non, je ne suis pas... Je suis opposé à ce que ça se fasse dans le manque d'intelligence et dans le manque de respect et de l'intégration du principe de l'amour à la fois pour la société d'accueil et les gens issus de l'immigration. Donc, à un moment donné, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait étudié dans un autre pays que le Canada. Il a fait un cours d'ingénieur. Résultat, il arrive au Québec, il veut travailler comme ingénieur. Et on veut pas, l'Ordre des ingénieurs ne veut pas y reconnaître, dans le fond, ses compétences. Puis il nous demande de refaire de ce qu'il me disait. Je ne sais pas si c'était de l'ordre de la caricature ou c'était au sens littéral, mais tous les cours. Donc là, il me dit, j'arrive ici, puis je suis pris à refaire tous les mêmes cours que j'ai déjà fait dans mon pays. Et la personne était frustrée, puis elle a raison, parce que il devrait y avoir une entente claire que si la personne émigre au Canada, qu'il y ait une pré-entente avec, par exemple, l'Ordre des ingénieurs, comme de quoi qu'on lui reconnaît des cours, au lieu de faire miroiter, bien, viens-t'en ici, puis après ça, on va regarder si on te reconnaît des cours. Non. Ça doit être clair. Aussi, les gens qui s'occupent de représenter le Québec ou le Canada dans d'autres pays, qu'ils soient honnêtes par rapport aux réalités canadiennes et québécoises, qu'ils disent la vérité aux gens. C'est-à-dire que si la personne arrive au Québec, ça se peut qu'elle passe plusieurs mois puis elle n'ait pas de médecin de famille ou elle attende plusieurs heures si un de ses enfants est malade à l'urgence. À un moment donné, j'avais une personne, j'avais discuté ici d'immigration, elle avait eu un enfant qui était malade, elle m'avait raconté qu'elle avait passé une dizaine d'heures à l'urgence, elle était offusquée de ça. J'ai quasiment eu le goût de dire, ben, est-ce que vous avez dit ça, les gens qui s'occupent du recrutement à l'étranger, que c'est la réalité canadienne? Je l'ai pas fait. Je voulais pas mettre de l'huile sur le feu. La personne était frustrée puis était contrariée puis elle trouvait que ça n'avait pas d'allure. Ben oui, ça n'a pas d'allure. Il y a une mauvaise gestion qui est là. Ça prend de l'esprit puis de la conscience, de la lucidité pour voir clair. Sinon, ben, c'est sûr que des forces qui ont tout intérêt à ce que le phénomène de l'immigration augmente. Pourquoi? Parce que c'est des forces qui sont sous le joug de multinationales qui tirent profit du phénomène de la mondialisation. Donc, la mondialisation, il y a des intérêts naturellement politiques derrière ça. Donc, si, par exemple, un peuple qui était plutôt homogène pendant plusieurs siècles, prenons par exemple le peuple québécois, qui était composé de gens qui parlent français, de religion catholique et d'ethnicité blanche. Donc, pendant plusieurs siècles, donc une culture assez homogène, où c'est une forme d'unité nationale. Bon, ben c'est sûr, s'il y a des gens de différentes cultures qui arrivent avec différentes religions, différentes langues, c'est sûr que ce qui arrive, c'est que il va avoir, dans le fond, ce phénomène-là va faire en sorte que ça sera plus homogène comme population. Ça sera pas un bloc monolithique, ça va être très varié. Dans un sens, il y a des gens qui vont dire, ben c'est bien parce que on entre dans une ère interculturelle, multiculturaliste. Et ça permet aux gens de bénéficier de différentes cultures, de différentes croyances, de différentes valeurs. Par contre, si les gens ne sont pas capables de gérer avec intelligence les différences à différents niveaux, ben, c'est porteur de conflits. C'est porteur aussi d'une division au sein de la population. Donc, et là, on le voit au moment où je vous parle, depuis plusieurs mois, en fait. Depuis qu'Israël a déclaré la guerre au Hamas par rapport à la période d'attentat du mois d'octobre 2023, d'ailleurs, j'avais fait un enregistrement avec Berthold en lien avec ce sujet. Ça a été le thème principal d'une entrevue qu'il m'a accordée. Et à l'époque, j'avais eu une bonne intuition de vouloir aborder ce sujet de long et en large avec lui dans le cadre d'un enregistrement parce que je savais, d'ailleurs, je l'ai mentionné en début d'enregistrement, que cet événement-là avait une portée à long terme, donc une portée même historique, un peu comme les attentats du 11 septembre, qui ont été un événement traumatique qui a eu cours à New York, donc lors du 11 septembre de l'année 2001, où des avions sont rentrés dans des tours, selon le narratif officiel. Et suite à cet événement-là, il y a eu des films, il y a eu des documentaires, il y a eu même deux guerres, une en Irak et une en Afghanistan, supposément pour lutter contre les terroristes. Donc, il y a eu des répercussions par rapport à ça. Et c'est la même chose par rapport à la guerre entre Israël et la Hamas, où Israël a déclaré la guerre avec grande intensité au Hamas suite à l'attentat terroriste qu'on attribue au Hamas qui aurait eu cours au mois d'octobre 2023, selon le narratif officiel. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite par rapport au Québec? Ben, ici, on accueille massivement des gens de différents horizons, donc des gens qui sont juifs et aussi musulmans, des gens qui sont pro-palestiniens, et des gens qui sont pro-Israël. Et qu'est-ce qui arrive par la suite dans la ville de Montréal, située dans la province du Québec au Canada? Eh bien, il y a des manifestations des gens des deux camps qui s'opposent. Et c'est le même phénomène qui se produit aussi dans d'autres pays, là. Sauf que le point, c'est que l'ère de la mondialisation massive, en lien avec l'immigration, fait que le phénomène où il y a des rassemblements de gens qui s'opposent par rapport à deux camps de deux pays opposés, ça court en sol québécois. Ça n'aurait pas eu lieu là, il y a quelques siècles, là, quelques décennies. Là. Pourquoi? Ben, c'est un phénomène lié à la mondialisation. Donc, c'est sûr que dans un passé où l'essentiel des gens au Québec, c'était des catholiques, il n'y aurait pas eu de manifestations pro-palestiniens ou pro-israéliens par rapport à des universités et des campements, avant qu'il y ait l'immigration massive. Dans ce cas-là, les conflits sont mondialisés, donc au lieu que ça se déroule tout simplement là, dans la bande de Gaza, le conflit s'exporte dans d'autres pays occidentaux où il y a des manifestations. Il y en a eu aussi en France, en plus du Québec. Donc, pourquoi? Ben, parce que ça fait partie de la mentalité de division astrale au sein des populations, au sein des peuples, qui est générée et qui est voulue par le plan astral et par certains dirigeants qui ont compris qu'en utilisant le principe « diviser pour régner », ils sont en mesure de créer des tensions sociales dans une optique de d'une régénérie sociale de différents peuples et de fragiliser certaines populations pour dissoudre des volontés de gens unifiés qui, dans certains cas, pourraient amener des changements de société. Donc, à ce moment-là, la division va empêcher, par exemple, d'avoir une majorité claire pour ou contre un projet. Et là, il y a de la perte d'énergie, de l'oscillation. Il y a des gens qui sont pour un peuple, d'autres contre, et ainsi de suite. Donc, il y a des tensions. Et pendant que les gens sont occupés à manifester pour un camp ou un autre, eh bien, ces gens-là ne sont pas lucides du fait qu'ils sont manipulés malgré eux par le plan astral qui leur soutire leurs énergies vitales telles des vampires. Donc, autrement dit, les gens, pendant qu'ils sont occupés de s'intéresser et alimenter des tensions sociales en lien avec des conflits qui se déroulent, entre autres, au Moyen-Orient, ou un peu partout dans le monde, parce qu'on est à l'ère de la mondialisation, ces gens-là n'ont pas leur attention tournée vers leur activité intra-psychique pour voir qu'est-ce qui se passe, puis être lucide par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le mental, puis avoir un recul critique. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'ego, ma fierté, c'est de dire que, dans le fond, je ne nourris pas la polarisation ou la haine d'un peuple par rapport à un autre, que ce soit le conflit entre Israël et le Hamas, même chose entre l'Ukraine et également la Russie. Je reste neutre tout en réalisant que des gens de différents camps sont manipulés et instrumentalisés par des forces mondialistes, par des forces qui ont intérêt au niveau stratégique et d'instabilité mondiale. Prenons par exemple le domaine de l'armement. Bon, mais probablement qu'il y a des gens qui font présentement beaucoup d'argent pour vendre des munitions à l'Ukraine, étant donné que depuis plusieurs semaines, il y a des reportages à l'effet qu'il en manque. Donc, à ce moment-là, ils peuvent augmenter, par exemple, le coût des obus, le coût des missiles. Ensuite, pour ce qui est entre Israël et la Hamas, bon, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent à se faire pour les producteurs de missiles. Donc, c'est sûr que si la Hamas envoie des roquettes sur Israël, bon, ben, ceux qui produisent des roquettes peuvent faire de l'argent. Et aussi, ceux qui fournissent, dans le fond, le bouclier, en fait, aérien d'Israël. Donc, c'est-à-dire que le système qui sert à détecter les roquettes qui sont envoyées de par la Palestine en direction d'Israël, c'est-à-dire ceux qui vont générer et entretenir le dôme de fer. Donc, c'est sûr que ceux qui fournissent, par exemple, des missiles d'interception pour détruire en plein vol des roquettes envoyées vers Israël, bon, ben, ceux qui fournissent cette technologie vont faire de l'argent. Donc, est-ce que vous pensez que le lobby de l'armement, qui est un lobby quand même qui va générer des revenus de plusieurs milliards par année, a intérêt à ce que les conflits mondiaux cessent? La réponse, c'est non. Donc, il faut être lucide. Mais pour en revenir au sujet de base, le phénomène de l'immigration. Donc, en fait, si je le prends, je vais essayer de parler à un autre registre, parce que c'est intéressant de regarder le dévoilement des forces derrière certaines politiques mondialistes, des gouvernants, des dirigeants. Donc, c'est sûr que, par exemple, si on prend le Canada, l'un des objectifs des dirigeants du Canada, c'est d'ici 2100 à ce qu'il y ait 100 millions de personnes au Canada. Donc, pourquoi? Ben, le territoire est vaste, puis en même temps d'augmenter l'immigration. Ce que ça fait, c'est que ça permet de légitimer, par exemple, un gouvernement libéral comme Justin Trudeau qui a amené beaucoup d'endettement, de pouvoir avoir davantage de prêts. Pourquoi? Parce que plus qu'il y a de personnes au Canada, plus que les responsables du gouvernement peuvent plaider et justifier leur endettement en disant, ben écoutez, on s'endette présentement, mais c'est pas grave parce qu'on va être plus nombreux plus tard pour payer les factures des dettes d'aujourd'hui. Donc, en acceptant massivement des gens issus de l'immigration qui vont venir travailler au Canada, bien, on va augmenter le produit intérieur brut, c'est-à-dire la capacité de générer des actifs, notre richesse collective. Et par la suite, ça va légitimer le fait qu'on s'endette de plus en plus. C'est comme de dire, ben, quelqu'un, par exemple, va s'endetter en disant, ben, moi, je vais hypothéquer ma maison, donc je la mets en garantie pour avoir une plus grande marge de crédit. Et on peut hypothéquer sur notre avenir en disant, ben, je vais avoir telle chose demain, tel revenu, ce qui me permet de légitimer que demain, je vais probablement rembourser mes dettes, donc prêtez-moi plus d'argent. Donc, c'est sûr que si on est, au lieu d'être 35, là, je ne me rappelle plus exactement le nombre de la population au Canada, mais disons que si on est 35 millions puis on passe à 100 millions en 2100, ben, on peut dire, ben, on va être plus nombreux pour régler les problèmes d'endettement d'actuel. C'est juste des problèmes d'endettement passagers. Donc, à ce moment-là, ça permet de légitimer tout ça, cette politique-là, puis on augmente la richesse. La valeur des maisons augmente, vu qu'il y a plus de demandes pour le nombre de maisons ou de logements. On l'a vu à Montréal, qu'est-ce que ça a donné, avec des gens qui se ramassent, des familles sans logis là, le 1er juillet 2024. Là, on disait dans les bulletins de nouvelles qu'il y avait des records. Mais ça augmente la richesse du patrimoine immobilier du pays. Donc, un peu comme quelqu'un qui met sa maison à garantie pour avoir plus d'argent, on peut dire que le Canada et le Québec vaut plus cher sur le plan de l'immobilier pour légitimer des emprunts plus importants parce qu'on crée un phénomène de rareté. Sinon, l'immigration, quand on la regarde au niveau politique, c'est sûr que les partis qui font la promotion du multiculturalisme ont tout intérêt à valoriser le phénomène d'immigration puis de souhaiter la bienvenue aux demandeurs d'asile, que ce soit Justin Trudeau au Canada ou Joe Biden aux États-Unis, où il y a au-dessus de 2 millions de demandeurs d'asile qui ont passé là, dans les derniers mois là, au sud de la frontière. Bien, ils ont tout intérêt à ça. Pourquoi? Bien, parce que les gens issus de l'immigration vont voter pour des partis qui vont faire la promotion de l'immigration, l'interculturalisme. Ils ne voteront pas pour des partis nationalistes comme par exemple le Parti québécois qui veut l'indépendance du Québec. Pourquoi? Parce que, dans le fond, l'un des objectifs derrière le phénomène de l'immigration massive, c'est amener une dimension interculturelle à la population canadienne et à ce moment-là aussi amener des politiques en relation avec ça. Bien entendu, il y a des avantages puis il y a des inconvénients liés à l'interculturalisme comme par rapport à toute chose. Même chose pour l'immigration. C'est sûr que des gens qui ont bénéficié de l'immigration ici au Québec dans le sens qu'il y avait des pénuries, prenons par exemple les cueilleurs de fruits l'été. Donc de fraises, donc les agriculteurs, le manque de personnel dans le domaine de la santé préposé aux bénéficiaires, ensuite des infirmières. Il y a des gens dans différents secteurs qui ont bénéficié du phénomène de l'immigration par rapport aux pénuries de main-d'œuvre. Il y a des gens qui proviennent de d'autres pays qui peuvent, si on reconnaît leurs compétences ou s'ils font des emplois sans qualification, bien, ils vont pouvoir travailler rapidement puis dans un sens améliorer leur niveau de vie. Sauf que le point de tout ça, c'est qu'il y a un manque très grand de respect et d'intégration du principe de l'amour. On est entouré, malheureusement, de gens qui cherchent à manipuler puis tirer les ficelles de leur côté. Prenons par exemple des responsables du Canada qui vont faire miroiter aux immigrants que le niveau de vie au Canada est élevé, qu'ils vont être heureux, puis que ça va bien aller. Or, moi je suis de l'avis qu'ils leur disent la vérité. On a des problèmes d'accès à des soins de santé décents, problèmes d'accès au logement. Donc, c'est quand même des éléments importants à prendre en considération dans l'équation avant de penser d'immigrer au Québec. Problème d'accès aux services de garde aussi. Puis, pour ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire que, dans le fond, si les gens issus d'immigration viennent ici, bien, il faut leur dire que, à quelque part, l'importance du principe de l'égalité homme-femme, parce que des gens qui peuvent venir ici puis des intégristes religieux dans l'optique d'établir une théocratie, que ce soit un agenda, affiché ou voilé, ils peuvent avoir objectif d'implanter un régime juridique en relation avec des croyances religieuses et au nom de leur vision du bien, imposer ça à la population du pays hôte en général. Donc, ce qui pourrait amener naturellement des troubles sociaux. Donc, je me censure un peu parce que je pense à certaines situations qui ont eu cours en Europe en relation avec des gens issus de l'immigration qui ont été dans des ajustements liés à de l'intégrisme religieux, donc des ajustements qui ont été faits dans un esprit de domination, d'imposition. Mais le danger, naturellement, c'est une sélection inadéquate des immigrants qui viennent ici. Et qui vont créer un certain chaos social. Puis le danger aussi, c'est que les immigrants n'aient pas une vision qui soit réaliste du Canada parce qu'on leur fait miroiter que c'est un beau pays, alors qu'en réalité, il y a des lacunes importantes au Canada, au Québec aussi. Donc, c'est aux gens d'être lucides par rapport à ça. Donc, la lucidité par rapport au phénomène de l'immigration, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire, c'est le niveau de l'immigrant qui veut venir au Québec, par exemple, puis le niveau des Québécois qui accueillent des immigrants. Donc, faut être lucide, tu sais, par rapport à qui tu laisses rentrer dans ta maison. Dans le sens que si tu dis aux gens, venez-vous-en, puis les gens arrivent, puis ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas accès à des ressources. C'est sûr que ces gens-là, à un moment donné, peuvent être frustrés. C'est sûr qu'à un moment donné, certaines de ces personnes peuvent décider d'aller dans le crime organisé, faire partie des gangs de rue. Puis là, après ça, on s'étonne d'apprendre dans des bulletins de nouvelles qu'il y a de plus en plus de gangs de rue qui sont impliqués dans des crimes, des fusillades, des féminicides à Montréal. Mais oui, mais si. Il y a des gens qui sont issus d'immigration qui pensent avoir un niveau de vie décent ici, puis ils se ramassent dans des situations de pauvreté ou de difficulté à avoir accès à un travail ou à un logement. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ne travailleront pas qui vont vouloir faire partie des gangs de rue. Ou, tu sais, il y a des réalités aussi à prendre en considération. Naturellement, il faut pas avoir des préjugés. C'est pas tout le monde qui sont issus d'immigration qui vont faire partie de gangs de rue. C'est pas tout le monde issu de l'immigration qui veulent implanter une dictature en lien avec l'intégrisme religieux. Mais en même temps, il faut réaliser qu'il y a des limites à de la naïveté collective. Mais c'est à travers des chocs. C'est à travers des chocs de vie. C'est à un moment donné, il y a des gens au Québec qui se rendent compte qu'il y a une hausse de la criminalité, qu'une hausse de la pauvreté. Puis il y a une hausse du pénurie de logement, puis en même temps, ben il y a un phénomène d'inflation qui, c'est des phénomènes de conjoncture sociale et économique combinés qui peuvent amener des dégâts. Donc si le pouvoir d'achat diminue, à ce moment-là, tu as des gens qui sont plus pauvres. Puis si le coût du logement augmente en même temps, ben ça peut être plus tentant de faire partie d'un gang de rue ou du crime organisé. Ou faire du travail, on va dire au Québec au noir, c'est-à-dire du travail non déclaré à l'impôt. Donc, c'est une roue et c'est la mauvaise gestion qui occasionne les plaies sociales. Il faut être lucide par rapport à ça. Sinon, ben c'est sûr que en même temps, ben c'est un cercle vicieux ce qui se passe présentement sur la Terre, parce que je pourrais faire plein d'enregistrements pour critiquer de la mauvaise gestion gouvernementale qui est faite dans le dossier du gouverneur de l'immigration. Mais en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est que les gens sont la plupart du temps manipulés par des forces qui leur échappent. Donc, les gens agissent pas nécessairement en connaissance de cause. Et ils n'ont pas une conscience vibratoire. Ils n'ont pas une conscience, par exemple, de percevoir la vibration d'un individu pour, lorsqu'il veut passer les douanes, avoir une sensibilité de capter par rapport à l'énergie qui dégage. Si la personne est bien ou mal intentionnée, par rapport à la population, qu'il va rejoindre. Certes, il y a des douaniers qui ont un certain niveau d'intuition, mais ça, c'est un niveau peut-être un peu trop sophistiqué, juste sur des critères de base, là, tu sais, de sélection. en lien à regarder avec les antécédents judiciaires de la personne, etc. Donc, c'est sûr que des gens qui font des demandes d'asile, que leur situation est évaluée, mais c'est tout le temps de voir aussi derrière ça la rigueur de l'évaluation. Mais finalement, je fais l'enregistrement en lien avec le phénomène de l'immigration, puis il me passe beaucoup de choses en tête. Puis souvent, ça revient à une vision. Puis en tant qu'ego qui réfléchit, ça m'écœure parce que, dans un sens, il y a des gens qui font la gestion de l'immigration qui sont inconscients, puis il y a des gens issus de l'immigration qui sont inconscients, et il ne peut pas en être autrement car ils n'ont pas une plus grande quantité de contenir la vibration supramentale, et c'est à l'individu qui a la plus haute vibration, c'est-à-dire la conscience supramentale, de se protéger de la bêtise humaine. À la fois par les membres de son pays qui sont naïfs et à la fois des gens qui sont issus de l'immigration qui, dans certains cas, peuvent manquer d'ajustement. Et là, le positionnement que j'ai, c'est que je dis dans les deux camps, il peut y avoir des manques d'ajustement vibratoire, des manques de conscience. Donc, il faut être lucide par rapport à ça. Puis, il faut être vigilant. Donc, c'est sûr que je pense entre autres à la situation en France où que certains quartiers que malheureusement, dans le fond, le nombre de crimes a augmenté. Ce n'est pas des quartiers sécuritaires à se promener. Et la mauvaise gestion qui est faite en lien avec l'immigration, confrontée à des problèmes de pauvreté, confronté aussi à des phénomènes de classe et d'exclusion sociale, tout ça combiné ensemble crée des dégâts sociaux importants. Et voilà encore du bien vivre ensemble. Ça là, cette expression-là, qui va être amenée par des dirigeants, l'importance du bien vivre ensemble collectif. Ben, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport à ça. Parce que objectivement, quelqu'un qui veut bien vivre avec les autres, il est dans un esprit de respect sincère, puis il va gérer son pays de manière intelligente. Quelqu'un qui invite plein de personnes issues d'immigration à venir ici, puis là, les gens arrivent, puis ils n'ont pas de logement, c'est problématique. Où les logements coûtent très cher. Puis après ça, si ces gens-là qui ont besoin d'argent pour payer leur loyer sont dans la criminalité, dans les gangs de rue, puis après ça, dans quelle mesure ça devient légitime de leur reprocher? C'est parce que les dirigeants ont une responsabilité. La responsabilité est très lourde. Moi, je suis heureux de ne pas être politicien à l'époque actuelle, mais tout simplement d'observer qu'est-ce qui se passe. D'observer la naïveté. Il y a des gens qui viennent d'autres pays, qui se font chanter la pomme, miroiter le rêve d'une vie meilleure au Québec, qui dans certains cas tournent au cauchemar. Puis de regarder la naïveté des gens qui veulent sauver les personnes qui sont trop prises avec des catastrophes naturelles de d'autres pays ou de l'instabilité politique, alors qu'ils ont de la difficulté à payer leur loyer à la fin du mois ou ils ont de la difficulté à s'alimenter adéquatement. C'est sûr que je suis de l'avis que la personne doit s'occuper d'elle d'abord, d'être en santé, cohérente dans le mental, avant de vouloir jouer à Mère Teresa puis sauver tout le monde. Même chose par rapport à un pays, dans le sens que si le Canada fait des records d'endettement depuis quelques années, s'il y a beaucoup de Canadiens qui ont des problèmes pour avoir accès à la propriété, un service de garde, un médecin de famille, bon, ben qu'on résout ces problèmes-là pour faire un milieu de vie agréable. Puis lorsqu'on aura des surplus financiers en lien avec une bonne gestion du Canada, une bonne gestion du parc immobilier, du réseau de la santé, là, on invitera des gens, puis on voudra sauver la veuve et l'orphelin. Moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire charité bien ordonnée commence par soi-même, et c'est à l'individu de s'occuper de lui-même avant de vouloir sauver tout le monde. C'est extrêmement naïf, ça. Et ça risque de se retourner contre certains dirigeants, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Donc, je veux dire, à un moment donné, la mauvaise gestion qui est faite depuis des années, Si on pense à la mauvaise gestion dans le réseau de santé, ça fait pas 2 ans, ça fait au-dessus de 20 ans que c'est mal géré au Québec. Puis qu'il y a des problèmes d'avoir accès à un médecin de famille. Ils savent plus trop quoi faire comme réforme. Donc, c'est sûr que quand je regarde ça, ça me contrarie. Mais on est dans un monde d'involution. Puis la chose intelligente, ben, c'est d'être lucide par rapport à l'inintelligence de la société dans laquelle on se trouve, puis de réaliser que, à travers le principe que la pensée vient d'ailleurs, que les gens sont manipulés par différentes forces, ça peut être des forces spirituelles, comme je le déclare tantôt, ça peut être la culpabilité. Donc, si quelqu'un, dans le fond, se sent mal à l'aise, de dire qu'à un moment donné, il y a une capacité à ne pas dépasser pour intégrer les immigrants au Québec. Puis la personne va avoir peur de dire ça parce qu'elle va avoir peur de se faire traiter de raciste, de xénophobe, d'être mal perçu. Mais là, il y a des limites aussi. Là. À un moment donné, il y a des gens qui ne peuvent plus parler ou qui se retiennent de parler pour avoir parce qu'on a peur d'être mal perçu. À un moment donné, il faut dire ce qu'on a à dire. Moi, je suis de l'avis que la capacité d'accueil des immigrants au Québec a été dépassée et que, à quelque part, je ne suis pas opposé à l'immigration. Je le répète parce que c'est très important. Sauf que je suis pour que ça se fasse dans l'intelligence. C'est-à-dire que si les gens viennent ici, qui peuvent avoir des logements décents, salubres, avoir accès à des ressources de santé, avoir accès à des ressources en matière d'éducation aussi, pour qu'il y ait un mode de vie adéquat. Parce que si une personne fuit un mode de vie néfaste dans un autre pays pour se ramasser au Québec ou au Canada avec un mode de vie malsain, bien là, il faut se demander à quel point elle améliore son sort de venir ici, là. Donc, ça, c'est des éléments importants à prendre en considération. Mais c'est à travers les chocs de réalité, la souffrance. Présentement, au moment où je vous parle, il y a des débats importants au Québec qui se déroulent. Sinon, j'observe ce qui se passe dans d'autres pays. Prenons par exemple le cas de la France. Donc, c'est sûr que j'observe ce qui se passe par rapport à la montée. Au Québec, on va parler de l'extrême droite là, par rapport au parti politique là, de Marine Le Pen. Bon, ben ça, c'est les médias québécois là, qui la dépeignent comme ça. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que il y a des gens qui vont être plus du côté réaction, oppression mondialiste et interculturelle. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui aussi, par rapport au phénomène d'immigration massif, si il y a des problèmes de gestion en lien avec ça, ben, il y a des gens qui, à un moment donné, vont s'opposer à l'immigration massive là, qui va créer, dans certains cas, des problématiques sociales, là. Et il y a des gens qui vont voter autrement. Donc, par rapport à des problèmes de mauvaise gestion de l'immigration, entre autres en France, bon, ben ça a amené des changements politiques qu'on n'aurait pas vus avant. Donc, c'est-à-dire que il va y avoir un contre-coup par rapport à ça. Parce que s'il y a des gens qui souffrent par rapport à certains phénomènes, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ils vont changer leur façon de se comporter, d'agir, etc. Donc, c'est sûr que la planète Terre, quand je regarde ça, c'est une planète par essai et erreur. Et c'est sûr que, d'où la dimension expérimentale, et que je trouve ça regrettable d'observer ça, mais c'est des chocs nécessaires. Donc, quand les gens sont confrontés, comme ici au Québec, à des problèmes importants de pénurie de logement, ben là, il y a des gens qui vont parler ou dire des choses tranquillement, je vois ça dans les médias de masse, qu'on n'entendrait pas autrefois. Donc, il y a des gens qui vont parler que ça va prendre un plus grand encadrement du phénomène de l'immigration, qu'il va falloir établir des balises, des seuils maximales d'immigration pour éviter certaines problématiques sociales en relation, entre autres, avec le manque de logement, et ainsi de suite, manque de ressources. Donc, c'est des ajustements. Mais si on ajustait en fonction de la vibration, on n'aurait pas à s'ajuster par la suite. Et les coûts sociaux, les coûts humains, que ce soit du côté des gens qui habitent le pays ou issus de l'immigration, sont extrêmement lourds. Parce que ça crée de la polarisation. Ça va précisément nuire au bien-vivre ensemble. Donc, tu as des gens qui vont favoriser l'immigration en disant que c'est pour favoriser le bien, l'être en soi ensemble. On va essayer de l'exprimer d'une manière philosophique européenne. D'être l'être avec autrui en harmonie. Donc, ça va favoriser ça, mais s'il n'y a pas de ressources adéquates, ça ne va pas favoriser ça. Ça va créer des tensions sociales, de la polarisation, puis ce qui risque d'arriver, ben, ça va être une montée, en effet, de l'extrême droite. Et des gens qui vont être dans le racisme, la xénophobie. Et ça va être l'effet pervers par rapport à ça. Donc, c'est sûr que mon propos est dans une optique, naturellement, de parler dans un principe d'amour et de respect d'autrui, mais aussi de respect de soi-même. Et que, comme il a déjà été dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, là, je vois que mon commentaire est surtout politique, en lien avec ce phénomène-là, mais je vais l'aborder d'une manière un peu plus impersonnelle. Si je demande à l'esprit, si je fais une lecture, là j'ai une feuille pleine de barbeaux là, devant moi avec des barres en haut, en bas, de commenter le phénomène de l'immigration au 21e siècle. Ce que ça me dit, c'est que le phénomène de l'immigration est inévitable. Il est en relation avec le développement et l'accroissement des technologies de communication qui favorisent les échanges d'informations, peu importe les endroits dans le monde, les déplacements des personnes avec l'utilisation des bateaux, des avions. De plus en plus, des gens peuvent se déplacer rapidement sur des grandes distances et c'est la même chose par rapport au phénomène du déplacement des idées, de la pensée. Il y a le phénomène de la réduction et de l'abolition des frontières avec la mondialisation. Et ça, c'est en relation avec le fait que les choses s'accélèrent sur Terre. Et l'accélération des échanges entre les gens des différentes cultures est propice à des ajustements vibratoires multiples. Donc, le phénomène de la mondialisation, qui donne place entre autres au phénomène de l'immigration, peut avoir une visée évolutive pour différents individus concernés par rapport au phénomène. Le phénomène peut être enrichissant si les gens, la société d'accueil et les immigrants aient un respect intégral et mutuel pour l'un envers l'autre. Si je demande à l'esprit, est-ce que l'immigration doit être mieux encadrée par les dirigeants des pays occidentaux, que ce soit la France, le Québec, le Canada? Oui. Qu'est-ce qui empêche ça présentement? La trop grande naïveté et spiritualité de vos dirigeants. Qu'est-ce qui va changer ça? La souffrance vécue par rapport à des chocs de réalité, des désillusions. Une mésinterprétation, une mésévaluation des gens. À un moment donné, ce que ça me dit, c'est que les dirigeants vont réaliser le prix politique de certains comportements qu'ils ont eu. Ils vont réaliser, avec le recul historique, les limites de leur système. Il ne faut pas que les gens se surévaluent. Si on s'évalue en tant que société, en termes de capacité d'accueil, d'absorption, de donner des services, on a un problème. On pêche par orgueil. La société canadienne ou québécoise doit être humble, ne doit pas se surévaluer, ni se sous-évaluer naturellement. Parce que si on se sous-évalue et on veut faire plaisir à tout le monde, ben qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va se soumettre à des doctrines idéologiques, religieuses, intégristes, pour faire plaisir aux autres. Puis on va être à genoux devant toutes sortes de personnes qui vont nous imposer toutes sortes de croyances. Et ça ne participera pas à rehausser le taux vibratoire de la population du Québec ou du Canada. Même situation par rapport à la France. Présentement, l'Astral, par différents moyens, cherche à coloniser la psyché des gens. Autrefois, là, il y avait eu la France qui a implanté une colonie au Québec qu'on appelait la Nouvelle-France, qui a colonisé l'Afrique aussi. Donc, derrière ça, il y a une vibration astrale, une mentalité d'imposer une vision, par exemple, du monde avec des valeurs. Il y a eu l'Angleterre aussi. Et là, à l'heure de la mondialisation, c'est de la colonisation idéologique, de croyances religieuses, de croyances de toutes sortes, par des gens qui sont inconscients, de l'apporter des forces qui sont derrière leurs croyances et qui croient, dans certains cas, sincèrement faire le bien en voulant convertir les autres à ces croyances. Et tant que les gens n'ont pas les corps d'énergie, ben, ils ne peuvent pas fusionner avec l'esprit, ils ne peuvent pas avoir bénéficié de l'éclairage de l'esprit qui leur permet d'avoir un regard critique par rapport aux formes des croyances. Tant qu'ils n'ont pas ce regard critique-là, une capacité de critique absolue, ben, ils sont des êtres qui sont sous influence de croyances et qui vont chercher à reproduire, répliquer les croyances qu'ils vont enseigner à leurs enfants, aux membres de leur entourage, au nom d'une forme de morale et d'idéologie. Ils vont être au service de forces qui les échappent en relation avec du mémoriel. C'est aux gens des pays d'être vigilants, d'être extrêmement lucides par rapport au phénomène de l'immigration qui se produit. Non pas pour nécessairement y être opposé ou être ouvert, mais regardez qu'est-ce qui se passe, sans nécessairement aller dans un sens d'une position idéologique rigide. C'est être lucide, le principe de l'intelligence, par rapport à toute forme de phénomène. Et bien entendu, la lucidité est en relation avec l'activité de la conscience autonome, qui se donne le droit d'évaluer par elle-même, d'observer, de lire la vibration derrière les gens, les événements, les intentions, d'être capable de composer intelligemment par rapport à tout ça. Et pour en revenir au début du propos, ben, c'est sûr que l'enregistrement présent est une invitation à faire preuve de lucidité par rapport au phénomène de l'immigration, d'être capable de regarder derrière le phénomène les implications vibratoires que ça a et que l'individu soit capable de faire preuve de discernement par rapport aux gens qu'il rencontre ou ce qui va aller ou qui accueille. Voilà ce qui devait être dit dans le cadre de l'enregistrement présent. Donc, c'est sûr que en lien avec mes enregistrements, comme mentionné en entrée au début de cette capsule audio, si vous appréciez mes enregistrements, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et aussi Interac. Donc, vous allez avoir toutes les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent Donc, comment procéder? Donc, c'est sûr que je remercie plus particulièrement les gens qui, au fil des mois et aussi des années, m'ont fait parvenir des contributions financières. Et bien naturellement, je salue tout le monde et vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour une autre capsule audio un peu plus tard. Au revoir.